Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ce morning, ça swing ? Wesh, gros ! Enfin, disons que j'ai fait du curling toute la nuit dans mon parking. Mais dites-nous plutôt, quel est notre patient sur le planning ? Eh bien, pour ce dossier Epsilon numéro 11, professeur Colin, nous recevons l'anti-king du pressing et du brushing. Un viking du clubbing ? Écoutez, vous commencez à me casser les boulings avec les mots en ing. Allez, je vous la fais en trois briques. Verneuil. Verneuil ? Neuil de verre, c'est louche ? C'est Joe Dassin. Mais non ! Allez, à l'évidence, bon sang, écoutez bien. Deuxième brique, Jane. Jane ? Tarzan, c'est génial ! Ah là, vous le faites exprès. Bon, dernière brique, concentrez-vous, javanaise. Waouh ! Serge Gainsbourg, ça c'est classe. Allez, tiens, je m'allume une clope. Il fumait, Gainsbourg ? Oh ben, une le soir après le dîner, comme ça. Allez, allons-y, professeur Mauduit. Étudions le dossier de ce fantastique pervers polymorphe. Maniez-vous le train, les Rastaquaires. Apportez au labo le dossier de Monsieur Gainsbourg. Allez, Serge, à table. C'est moi, Gainsbourg. On me trouve au hasard. Les nightclubs, les bars. Américains, c'est bonheur. On reconnaît Gainsbourg à ses jeans, à sa barre, deux, trois nuits. Ses cigares et ses coups de cafard. Ecce homo, voici l'homme. Alors soyez le bienvenu chez nous, Serge Gainsbourg. Sachez que le ministère psychique est singulièrement heureux de se pencher ce matin sur votre architecture mentale, car c'est un dossier particulièrement coton, n'est-ce pas, professeur Mauduit ? Eh oui, et moi, de toutes les matières, c'est la ouate que je préfère. Enfin, plus précisément, professeur Colin, qu'est-ce qui nous tourne boule chez Serge Gainsbourg ? Eh bien, c'est essentiellement ce syndrome d'anticonformisme incorrigible. Et du coup, il nous a énervé tout le monde, celui-là, y compris nos valeureux militaires. Le personnage de M. Gainsbourg m'a diffère. Il appartient à une catégorie d'hommes. Il s'est défini lui-même Rastaquaire. Il se définit Gainsbourg et ses Rastas. Malheureusement, nous en voyons beaucoup de ces gens-là. Nous considérons que c'est une espèce de signe de décadence de l'humanité que de voir des gens comme cela. Formidable colonel défaussé. Mais rassurez-vous, mon colonel, pendant 53 minutes, vous allez en prendre plein la tronche, puisque nous allons approfondir ensemble ce matin la fascinante psyché de l'homme à la tête de chou. Notre mission, établir un diagnostic non négociable afin de savoir enfin si oui ou non les méandres psychologiques de Serge Gainsbourg recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre curieuse séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte le son, mon ami, sois le bienvenu, c'est la panique, et débutons immédiatement l'analyse de ce loustique cynique que nous accueillons ici au ministère psychique. Le clan, la cagoule. Relax, baby, be cool. Autour de nous, le sang coule. Relax, baby, be cool. À la morgue, il y a foule. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Avant tout, le ministère psychique trouve très chic ces divagations véridiques que nous offre ce matin le professeur Antonin Artaud, qui Antonin Vibrato, pour une introduction pertinente au cas de notre étrange patient du jour, à savoir le sulfureux Serge Gainsbourg. Et pour commencer nos investigations, le ministère psychique a voulu retrouver, dans les expériences de vie du petit Lucien, alias Serge Gainsbourg, tout ce qui pouvait dénoter de dérives psychotiques profondes. Oui, mon ami, quelle est la construction de l'architecture mentale de l'effarant génie Serge Gainsbourg ? Lucien Gainsbourg, connu sous le nom de Serge Gainsbourg, est né à Paris le 2 avril 1928, il y a donc 80 ans cette année. Issu d'une famille d'artistes, le petit Lucien traverse l'adolescence et l'occupation allemande avec sur la poitrine une monstrueuse étoile jaune et dans le cœur la certitude de sa bonne étoile. Et le très timide bonhomme préfère parmi les arts celui qui s'expose aux cimaises sans s'exposer soi-même, autrement dit la peinture, un art dans lequel, hélas, il n'excella point et ça n'a rien de drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, les blaireaux, là ? Pas la tête. Initiez-vous à la peinture. Ensuite, je suis passé ça s'appelle une initiation. Un art majeur devant une initiation. Pas un art mineur, comme ce que les conneries que nous faisons, nous. Mais quel est le... Pour le surréalisme, qui vous avez influencé ? C'est rien de mineur, une chanson. Mais si, mon petit gars. Mais si, mon petit gars. Mais qui s'y a, le connard, là ? Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur, une chanson ? Ça rencontre des gens ? Oui, c'est mineur. C'est mineur parce que ça doit être... Non, il n'y a rien de mineur. Tu... Parce que si tu rates la peinture... Tu n'as pas besoin d'initiation pour la chanson. Tu as besoin d'initiation pour la peinture, pour les arts majeurs. L'architecture, la peinture et la musique classique. Et la littérature. L'architecture. Et la poésie. L'architecture qui est initiée quand tu regardes. Et la poésie, s'il te plaît. Et non, et la chanson qui est initiée dès l'enfance. Nous ne faisons pas de la poésie. Non, il n'y a pas d'art mineur. Et ce n'est pas la peine de faire de la chanson en disant que c'est mineur. Sinon, je ne serais pas là. Tout est important. Même la cuisine, c'est majeur. Tu prends du pognon aux salopes pauvres. On ne prend pas de pognon, on en prend beaucoup plus. Comme moi. Serge Gainsbourg, toutes vos chansons, considérez que ce sont des choses mineures ? Allons. Absolument. C'est vrai ? Sauf certaines qui ont frôlé et qui ont approché Rimbaud. Ah, ben oui, développer des colères excessives et disproportionnées pour cacher un mal-être en société, voici un syndrome évident d'une timidité maladive. Ainsi, malgré sa peur compulsive d'être confronté à ses contemporains, Serge Gainsbourg, masochiste et déçu de son inadaptation au monde de la peinture, explore alors l'univers de la musique et de la chanson. Serge pianote dans les bars, il compose, il écrit des textes et surtout, il s'avance vers le public. Oui, le craintif, il se fait violence, il monte sur scène. Souvenons-nous d'ailleurs de ses débuts. Je me souviens de vos débuts il y a donc 5 ans à peu près et où vous aviez une sorte d'ignorance épouvantée du public. C'est-à-dire que vous regardiez absolument par-dessus toutes nos têtes et puis vous chantiez. Vous vous J'étais souvenez J'étais fasciné par le projecteur. Entrez dans la lumière comme un insecte fou. Et ce grand timide de Serge Gainsbourg n'a plus jamais quitté la lumière des projecteurs. Il s'est donc infligé de terribles séances d'automutilation et de souffrance. Lui qui rêvait d'être peintre, enfermé dans son atelier, il se voit dorénavant surexposé. Et le plus difficile pour un grand timide, face à une situation qui le met mal à l'aise, eh bien, c'est de trouver les mots justes. Voilà, Whitney Houston, Serge Gainsbourg, Gainsbourg pour les intimes. Voilà, asseyez-vous. Serge, dites-lui que vous l'avez trouvé sublime. Voilà, Serge Gainsbourg. Bien, superbe. Si ça marche, ça doit marcher. Doesn't work. My mic doesn't work. He says you are great. Oh, thank you. Voilà, she's a genius. Voilà, he says you are genius. Oh, thank you. Vous êtes génial. Thank you very much. Oh, no? A friend of mine. Say it. Voilà, he says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça, okay. En gros, ce que tu veux lui dire. Nah. Oui. You are not Reagan. I'm not Gorbachev. So, don't try, hein. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. Donc, he said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. C'est... Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien la baiser. Il a dit... T'auras pas de cigarette. Oh my goodness. Non, sometimes he's a little bit drunk, you know. Yeah, temps I know. En temps, I'm il not est... drunk. Non. Ah, vous... non. I'm not drunk non, today. Non, il est normal, vous imaginez quand Are il est sous. Sure? Non, vous inquiétez pas, Whitney. I'm not sure about that. Are you sure you're not drunk? Not non, sure. il est pas. Non, il est pas vraiment sous. C'est son état normal. Très bien. Whitney, on va maintenant. She's superbe. Bien sûr qu'elle est superbe. Enfin, elle est un peu secouée parce que tu l'as dit quand même. Best of the best. C'est sûr, Whitney Houston a été secouée par ce que venait de lui dire Serge Gainsbourg pendant l'émission Champs-Élysées de Michel Tonton Drucker. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est combien Whitney fut secouée par Serge Gainsbourg après cette émission, quand la diva voulut expressément clarifier la situation. J'adore les hommes. C'est parce que vous adorez les hommes que vous avez accepté si vite de dîner avec moi? Oh, je ne sais pas. Non, je crois qu'on peut difficilement vous refuser quelque chose. Vous avez une façon spéciale de demander. C'est comme si votre vie en dépendait. Mais au fond, c'est peut-être tout simplement une ruse de guerre. Les dragueurs qui n'en a pas l'air. Les dragueurs avec l'air inquiet. Non, je suis pas un dragueur. J'ai horreur des dragueurs. Je trouve ça lamentable. Oui, moi non plus, je n'aime pas les dragueurs. Mais quand même, nous sommes là tous les deux. Eh oui, Whitney n'en a jamais vraiment parlé à la presse, mais elle a succombé, comme bien d'autres d'ailleurs, au charme envoûtant du timide Serge Gainsbourg. La nuit fut si chaude entre Whitney et Serge, au point que le lendemain, en sortant de la suite de la star au Crillon, eh bien, le timide Serge a dû se rendre en urgence dans une boutique de lingerie, un exercice pour lui très compliqué. J'ai dit deux quoi? 42. 42 quoi? 42... 42 slips. 42 ou 44, mais deux. Françoise, monsieur veut des slips. Un ou deux. Coton ou synthétique? Quelle taille? Du 2. Du 2? Ça m'a l'air petit. Ce serait plutôt du 4. Ou du 2 ou du 4. Hilda? Oui. Pour monsieur en slip, c'est du 2 ou du 4? Du 2. Il est un peu comme Jean-Jacques. Oh non, penses-tu? Autant Jean-Jacques a la taille masse, autant monsieur est fort du bassin. Il n'est pas fort du bassin, il a les épaules étroites. Il a pas les épaules étroites. Et puis tu compares à Jean-Jacques qui est foutu comme un dieu. Non mais Jean-Jacques, debout, même assis, n'a jamais été foutu comme un dieu, puisqu'il écrivait pour Chantal, pendant que Serge, de son côté, bossait pour Brigitte... Isabelle. Elisabeth. Michel. Isabelle. Minouche. Jane. Pétula. Pia. Dalida. Dany. Mireille. Catherine. Diane. Marianne. Charlotte. France. Juliette. Françoise. Zizi. Anne. Valérie. Victo. Jo. Lisette. Michel. Nana. Nico. Vanessa. Régine. Catherine. Stone. Sanchardenne. Joël. Et Marie-Blanche. Et voilà bien une leçon à tirer des expériences de vie de Serge Gainsbourg. Il a combattu sa timidité en se confrontant à ce qu'il y avait pour lui de plus impressionnant, à savoir les femmes. Et cela lui a permis de dépasser la misère des apparences. Enfin, faut faire avec ce qu'on a. La sale gueule, nous on n'est plus rien. D'ailleurs, nous les affreux, je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde, car la beauté cachée de l'aide, se voit sans de l'aide. La beauté cachée de l'aide, se voit sans de l'aide. Eh oui. La beauté cachée des laits, c'est comme chercher à attraper avec sa cuillère à café le nuage de lait dans un beau thé. Puisque l'insaisissable chez M. Gainsbourg, c'est sans conteste ce charme dont il joua toute son existence. La dichotomie profonde de Serge Gainsbourg entre timidité maladive et surexposition constitue un inquiétant symptôme de ses déviances psychiques. Et comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de M. Serge Gainsbourg est une réelle menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Bonjour professeur Colin, allons-y mon kiki. J'ai donc soigneusement étudié ce matin le cas Gainsbourg et en potassant le dossier, je suis arrivé à cette conclusion étonnante. Il existe aujourd'hui, quelque part en France, un protocole secret mais absolument obligatoire qui réglemente l'utilisation des antonomases par périphrase. Oui, ces étranges figures de style sont très contrôlées. Ainsi, Margaret Thatcher est obligatoirement la dame de fer, Charles de Gaulle ne peut être que l'homme du 18 juin, et François Bayrou est toujours François Bayrou. Et oui, dans ce cadre, Serge Gainsbourg est invariablement l'homme à la tête de chou. C'est un poncif redondant, épuisant, quel manque d'originalité. J'en parlais justement l'autre jour avec l'interne psychédélique du ministère psychique, ainsi qu'avec l'expert jungien, technicien de l'inconscient collectif, et enfin avec l'oncorchectif, notre pensionnaire à vie trépané deux fois. Mais respectons la norme des antonomases par périphrase. Serge Gainsbourg est donc l'homme à la tête de chou. D'ailleurs, il revendiquait cette image, au point d'avoir acheté une œuvre du sculpteur Claude Lalanne intitulée « L'homme à la tête de chou », une statue exposée en ce moment à la Cité de la Musique à la Villette pour l'exposition Gainsbourg. Une statue que l'artiste regardait chaque jour, tandis que sa femme de ménage, venue épouster l'appartement de la rue de Verneuil, disait « J'y suis l'homme à la tête de chou ». Bon, oui, moi j'ai une petite réserve tout de même. Gainsbourg est l'homme à la tête de chou. Soit, mais de quel chou s'agit-il ? Serait-ce de chou navet ? Ou alors s'agit-il de chou vert, lui qui l'a toujours été, du trognon ? Ou peut-être faut-il reconnaître la fameuse chouquette, puisque Gainsbourg, toute sa vie, a été en quête de reconnaissance. Alors d'aucuns ont évoqué un représentant trop souvent ignoré de la famille des crucifères, le chourave. Et d'ailleurs, peut-on dire que Gainsbourg chourave ses idées dans le répertoire de Brahms, Dvorak ou encore Chopin ? Ben non, non. Car il est vrai que le grand Serge passe facilement de Chopin à la Chopine. Mais le génie gainsbourgien est une telle réinvention des œuvres qu'il est impossible de parler de plagiat, mais plutôt d'inspiration choufflée par les muses. Et oui, parfois, il avait besoin de choufleurs. Alors, c'est le souci avec l'homme à la tête de chou est bien évidemment l'aspect provocateur. Surtout pour les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Et c'est en cela qu'il est choublime. Pourtant, et c'est étonnant, aujourd'hui plus que jamais, l'homme à la tête de chou porte haut l'adage de la finance internationale. Heureux les banquiers qui de gains se bourrent, mais désespoir avec le crack quand le gain se barre. Formidable, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Trouble de la personnalité borderline évident. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales que cherche à dissimuler notre patient, qui, d'où il est, sait très bien que depuis son départ, la scène musicale française est un peu comme... Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis un faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mandat sans sa coupe. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racines, comme le théâtre sans racines, sur cette plage sans aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je me rends plus compte. La bébête qui monte quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte. C'était Thomas Dutronc qui chantait comme un manouche sans guitare. Et pourquoi pas un Serge Gainsbourg sans vis, tant qu'on y est. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. À 17 ans, je croyais en l'amour fou et éternel. Alors ça collait pas avec les jeunes filles de mon âge. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. Mais j'étais pas un donjon, ça. Côté donjon ne m'est venu que quand j'ai commencé à jouer du piano dans les bars. Alors là, ça a commencé à tomber sec. Qu'est-ce que tu fais? Ah, viens! Ah, c'est samedi soir, tu vas pas aller te coucher. Saturday night, bébé. Allez, viens, je te sors. Je m'en fous que t'es un mec, moi. Je suis pas jaloux. Allez, monte. Je sais que t'as envie de venir. Monte. J'étais un garçon résolument romantique, très pur. J'étais pas encore pervers. Honte à toi qui la première m'a appris la trahison. Et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. D'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Je n'ai attiré que des garces parce que j'étais pas le jeune garçon athlétique. J'étais déçu par la réalité parce que je rêvais. Oui, À l'origine, Serge Gainsbourg était un romantique, un doux rêveur, un esprit pur, mais qui fut fracassé par sa confrontation avec le monde du réel. Certes, aujourd'hui, chacun convient que, de son vivant, notre passion fut l'incarnation du vice contre la vertu. Un être de débauche, pervers, polymorphe et impénitent. Et pourtant, à cet égard, la psychologie de M. Gainsbourg est bien plus complexe. Lorsqu'on trifouille le refoulé chez ce génial désaxé, on s'aperçoit très vite qu'en réalité, il n'avait au fond de lui qu'un seul désir, celui de devenir un auteur de littérature pour mômes. Oui, sans doute tel Peter Pan, Serge aurait souhaité ne jamais devoir affronter le monde des adultes. Mais il en fut autrement, et la haute trahison de ses idéaux adolescents l'ont conduit à devenir le parangon de la provoque immorale. Cela dit, si tu observes certains éléments de sa création, tu constates en effet que sa volonté de recréer un univers enfantin fut authentique. Vois-tu, lorsqu'en 1976, par exemple, Gainsbourg produit son magnifique album concept, L'homme à la tête de chou. Eh bien, primo, le titre est une histoire imaginaire à lui tout seul, et ensuite, en 12 chansons enchaînées, Gainsbourg nous raconte toute une fable, celle d'un quadragénaire qui tombe amoureux de Marie-Lou, une champouineuse délurée. Un véritable conte de fées pour enfants. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses lévis, je lis le vice et je pense à Carole. Sur fond de rock'n'roll, s'égare mon Alice au pays des malices de Lewis Carroll. Ah ben oui, Gainsbourg, ce n'était pas non plus la mièvrerie d'Harry Potter. Fallait un peu de vice tout de même, y compris pour les mômes. Par ailleurs, au début de la décennie 70s, quelques années avant que ne sorte L'homme à la tête de chou, justement, Serge avait déjà produit un premier album concept formidable intitulé « L'histoire de Melody Nelson », là aussi au titre enchanteur, où Gainsbourg lui-même reconnaissait s'être inspiré, à sa manière bien sûr, de Charles Perrault. Bah, l'histoire d'une jeune fille de 14 ans et demi, 15 ans, peu importe, se balade sur un vélo. Oh, et ben Belle va avoir la surprise de sa vie. Et moi dans une Rolls. Comme dans Perrault, il y a des carrosses. Je suis pas le prince charmant, mais faut pas pousser. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Vous ne devez pas vous montrer timide, vous devez être téméraire, audacieux. Téméraire, audacieux. Vas-y, nous, c'est la belle et la bête. Maître, avez-vous songé que cette fille pourrait être celle qui romprait le charme dont vous êtes prisonnier? Naturellement, quelle question! Je ne suis pas fou. Je la renverse? Ne soyez pas triste. Il y aura des jours meilleurs. Vous verrez. Je tombe amoureux d'elle ou je tombe sur elle, peu importe. Ça pique, c'est l'alcool. Je l'emmène dans un hôtel assez particulier. Oh, tout cela ne sert à rien. Elle est tellement belle. Et moi? Mais regardez-moi! Et puis elle veut revoir l'Angleterre, étant d'origine anglaise. Je suis inquiète de savoir mon père tout seul. J'aimerais tellement le revoir, si vous saviez comme il me manque. Et l'avion se casse la figure. Et j'espère qu'un de ces avions cargo retombera avec Mélodie. Jamais de ma vie je n'ai éprouvé ça pour personne. C'est-à-dire la ramènera. L'amour éternel, transposer. Prenez ce miroir. Il vous donnera le loisir de me voir et de ne pas m'oublier. C'est ainsi. Mais au plus profond de lui-même, Serge Gainsbourg possédait le désir enfoui d'écrire des contes pour enfants. Bon, alors là, tu vas me dire, arrête tes conneries, c'était surtout un gros pervers dégueulasse, oui. Mais que nenni, le beau Serge adorait l'innocence des mômes. Cela te surprend? Eh bien, figure-toi par exemple que Roland Topor, contemporain de notre patient et créateur du génial Téléchat, fantastique programme loufoque pour la jeunesse des années 80, avait tout compris de la passion de Gainsbourg pour les kids. Et du coup, Topor n'hésitait point à truffer son Téléchat de clins d'œil en référence à l'univers de Gainsbourg. Les gluons ont tendance à grossir. Certains les surnomment déjà bouboules. Une seule solution, l'athérobic. Plaît-il ? Oui, la gymnastique à faire oblique. C'est pour toi, gros chat. Ici Jane, la basket. Vous voulez sûrement dire l'aérobic, la gymnastique faite en musique. La gymnastique faite en musique. Eh bien non, justement. Maintenant, ça me revient. Je voulais parler de la gymnastique suédoise. Merci quand même. Oui, en basket, Jane était un peu la fée clochette de Serge. Une histoire hors du commun. D'un côté, un gros chat, non pas beauté, mais laid, un pygmalion sublime de cynisme. Et de l'autre, une muse britannique éthérée, toujours disposée à l'apaisement des angoisses. Une histoire d'amour qui ressemble réellement, encore une fois, à un univers de dessin animé. Alors là, franchement, même les créateurs de dessins animés japonais se sont inspirés de ces deux prénoms, Jane et Serge, pour incarner l'amour dans l'adaptation de cette production tartignole à destination de la jeunesse d'Europe. Oui, pour le ministère psychique, désormais c'est une évidence, Serge Gainsbourg contenait en lui tout un univers refoulé de littérature pour mômes. D'ailleurs, n'hésite pas à faire découvrir les œuvres intégrales de Serge à tes gamins. C'est une excellente initiation à la vie, prescription de nos services. Mais bon, nous allons maintenant découvrir, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, qu'en réalité, la fascination de Serge Gainsbourg pour le fantastique enfantin tire son origine d'une bien curieuse histoire. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur les troubles psychiques de notre patient. L'interne, pointez-vous au labo. Allez, hop, démonstration. Now wait a minute. Do you realize what you're saying? Paris, 6 juin 1959. Juliette Gréco reçoit Serge Gainsbourg pour l'émission radiophonique Soyez les bienvenus. Son jeune poulain vient juste de signer sa première bande originale, L'eau à la bouche. Et d'un naturel farouche, ce sont les mots que Juliette doit lui tirer de la bouche. Serge Gainsbourg, vous êtes un personnage un peu mystérieux, mais vous êtes une personne très organisée. Oui, bien sûr. Sous ses apparences martiennes. Oui. C'est bizarre. Et là, vous allez me dire, ouais, il était encore bien bourré, Serge. Mais alors, pas du tout, parce que les révélations sur ses origines extraterrestres remontent à quelques années déjà. En 1953, quand il n'était encore rien, si ce n'est Lucien Ginsburg, habitant de Ménil-le-Roi, c'est avec sa sœur jumelle Liliane qu'il a pu vivre sa première expérience extraterrestre. Un soir, alors qu'avec ma sœur, je parcourais la forêt sur le petit vélo que mère m'avait offert, j'entendis comme un bruissement dans les fourrés. Et quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir un petit être menu, on aurait dit comme une borne kilométrique couverte de bouse, mais avec des petites pattes qu'il agitait en poussant des petits criments. Des petits criments, des petits criments. Imaginez la trouille de la frangine face à cette créature extraterrestre. Pourtant, Serge se met à parler le martien d'un naturel surprenant. Téléphone. Ça va aller. Maison. Ah, il serait temps. Maison, téléphone. Ah, merde. T'es baisé, là, hein? Initial E.T. Serge Gainsbourg en est bien un. Et il n'est pas seul. En 1959, encore apprenti chanteur, il se rend au Milord et y découvre Boris Vian. Serge avoua que ce fut pour lui comme un déclic. Mais on comprend maintenant que ce n'est pas tant par la musique que Serge a pu avoir une révélation, mais bien par les textes. En descendant de la fusée, je t'ai trouvé presque aussitôt. Et je surestimais du C, tu m'avais pris comme au lasso. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. Enferme mes persiennes, je revois tes trois grands yeux. La Java martienne, c'est l'hymne des extraterrestres. Heureux de retrouver les siens, Serge décide d'embarquer avec eux pour de nouvelles aventures intergalactiques. Capitaine, capitaine! Oui, que se passe-t-il? Regardez là, sur l'écran de contrôle, y a rien du tout. Regardez, là. Avez-vous spatiothermisé les volets intersidéraux? Oui, capitaine. Avez-vous rayonisé les aéroporteurs sismiques? J'ai demandé à Roscoff de le faire. Alors on n'est pas dans la spatio-merde. Bon, on l'aura compris, à la fin des années 50, l'espace, c'est pas encore ce qu'il y a de plus fréquenté comme endroit. Du coup, Serge se dit que si c'est autant la zone que sur Terre, autant y retourner et y mettre un peu d'ambiance. Mais le débarquement de cet extraterrestre provocateur va susciter de vives réactions dans les sphères bourgeoises. Vous avez vu ça? Faut attaquer ces sales cons, faut mettre le paquet. On devrait les atomiser, monsieur. Faut leur péter la gueule. Ne concluons pas trop vite. Et si c'était seulement une incompréhension culturelle? On est cerné par les cons. Et je t'emmerde. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne déjanté du ministère psychique pour son point de vue éclairé sur les origines extraterrestres de Serge Gainsbourg. Enfin, cela dit, il partageait tout de même avec nous quelques obsessions bien terrestres. Hein. À 6 ans, les petits garçons ne pensent pas aux filles. Moi, si. Alvin n'exagère pas. Même Freud parle d'une période de latence. Alors, après avoir sondé les différentes aspérités refoulées chez notre patient Serge Gainsbourg, passons dès maintenant à l'étude pseudo-psychanalytique de la propagation contemporaine des syndromes gainsbourgiens. Car tu l'imagines volontiers, mon ami, devant un tel monument du patrimoine culturel national, comment ne pas chercher à savoir où se nichent les dérivés psychotiques hérités de notre formidable patient sarcastique? Eh bien, pour commencer, comme d'habitude, nous avons donc soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. En effet, un spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le docteur Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les influences de la psyché de Gainsbourg dans nos actualités quotidiennes. Professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons comment les névroses du défunt Gainsbourg résonnent plus que jamais dans notre monde du présent. L'expert jungien, pointez-vous au labo! Analyse! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Je vois que vous étudiez mon petit ouvrage sur l'homme et son subconscient. Oui. Je ne suis pas un commerçant, je suis un savant, un docteur pour cerveau malade. J'essaye, selon mes faibles moyens, de déraciner les inquiétudes, les névroses, les idées fixes. Je t'aime, moi non plus, on glose sur les relations entre les Français et les politiques. J'ai fait écouter à Jane, qui d'abord était choquée par l'intention. Je me suis mis au piano, nous avons gardé la tonalité Do majeur. Attendez que je comprenne. Vous avez tenté de terroriser une jeune femme sur un tabouret de piano. Clémentine Autain, de votre point de vue? Non, du coup, j'ai pas pour réagir par rapport à ça, mais je pensais aux relations médias, politiques, à la connivence. Oui. Elle a pris carrément l'octave au-dessus, ce qui fait que ça a donné une couleur très particulière, très juvénile, et c'est ça qui a fait marcher le disque. On connaît ces connivences et donc on ne les admet pas en disant qu'il y a des relations ambiguës. Dites-moi, docteur, est-ce que vous prenez très cher? Très cher. Je suis sûr que vous faites parfois des exceptions. Jamais. Je vais prendre un billet de 500 balles. J'attends que le gouvernement... Je suis taxé à 500... ça sera 14%. Ils mettent en application cette demande de M. Fillon de mettre fin aux paradis fiscaux. Si on fait un tour, je n'ai rien à cirer. Pour l'instant, je n'ai pas vu de dispositions qui ont été prises ni par lui, ni par le président de la République lorsqu'il était ministre des Finances. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein, c'est pour le nucléaire. Donc il faut arrêter de se foutre du monde et de nous faire croire que du jour au lendemain, de pyromanes, ils sont devenus pompiers. La psychanalyse, sachez-le, ne connaît pas le coup de bambou en soi. Ce manuscrit est écrit entièrement et signé par Rouget de Lille. Manuscrit, il désigne ainsi une de mes vieilles sornettes. Eh bien, nous allons mettre en vente cette vieille sornette. Je suis un insoumis et qui ai redonné à la Marseillaise son sens initial. Ségolène Royal, qui depuis peu fait chanter la Marseillaise dans ses meetings et qui en appelle au drapeau national. Siffler contre la Marseillaise au Stade de France. Résumons, tout a commencé avec François Fillon hier matin, ensuite c'est Nicolas Sarkozy lui-même. Bref, une cascade de réactions. Le gouvernement en fait un peu beaucoup. On dansera sur la Marseillaise. Ah, ça fera rien, c'est pas des dents que ça fera rien, c'est des dentiers. Alors, dans cette surenchère pour récupérer notre Marseillaise, c'est évidemment Gainsbourg qui remporte la mise encore aujourd'hui. Même si ce n'est pas des dents que ça fera grincer, mais des dentiers. Car jamais de demi-mesure avec Serge Gainsbourg, puisque les notes sont franches et la partition impeccable. Cela dit, lorsque Serge composait des mélodies, justement, il a également développé un trouble du comportement typiquement français qui perdure aujourd'hui. C'est notre rapport complexe, bien sûr, aux langues étrangères. En réalité, ce que j'ai jamais dit, c'est que quand j'élabore une mélodie au piano, je baragouine en anglais. D'abord, n'importe quoi. Tous les gens, quand ils se parlent, ils disent n'importe quoi. Ils sont complètement débiles. Ils disent tous « man around again ». L'autre répond « man around again ». C'est tous des débiles. C'est génial, hein? Oui, en fait, ils parlent américain. Je mets des mots anglais pour voir si ça coule. Parce que l'anglais est un critère. Voilà, c'est ça. Ils parlent américain. Ils parlent le débile. Loin d'être débile, la psyché de Gainsbourg nous a également offert certaines clés pour analyser le temps présent. Bon, on pourrait aisément penser que notre patient n'était pas un artiste politique, au premier sens du terme, comme Jean Ferrat, par exemple. Et même s'il est difficile d'affirmer que l'art peut être dissocié du politique, on peut tout de même imaginer que la politique emmerdait Gainsbourg. Cela dit, avec un peu de recul, si tu décortiques bien certaines de ses chansons, elles peuvent être un écho magique pour comprendre l'actualité du moment. On se fait des photos sur la ligne d'arrivée du tiercé socialiste. Et on embrasse les platanes. Bertrand Delanoë, lui, est encore groggy par sa défaite. À gauche. Benoît Hamon, discours direct à gauche qui fait mouche en temps de crise. À droite. Elle a réussi à créer autour d'elle une dynamique. Ségolène Royal, qui avait beaucoup perdu de plumes, elle marque des points dans la dernière ligne droite. À gauche, à droite. Sacré Serge au congrès de Reims en Ford Mustang. Lucide, n'est-ce pas, quant au petit cirque des socialistes. Et puis, toujours dans le registre des influences contemporaines de la psyché de Gainsbourg, il est un apport essentiel à notre société qu'il est toujours bon de rappeler ici. Vois-tu, on a souvent accusé le psychisme de Gainsbourg d'être vulgaire alors qu'il n'était que grossier. Et pour le ministère psychique, la différence est capitale. Heureusement, Serge Gainsbourg, constamment relayé par d'autres esprits sains, ont toujours su faire la part des choses. Vous me trouvez grossier et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Arrêtez-moi sur vous ! Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans au bon compte d'auditeur les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, Ça intoxique. Mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Oui, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, mais avec une différence fondamentale entre le grossier et le vulgaire, sacro-saint principe gainsbarrien. Et justement, figure-toi qu'en matière radiophonique, au sein de nos propres murs, au ministère psychique, nous avons avec nous quelques vrais frappadingues qui sont encore aujourd'hui totalement possédés par l'esprit retors de Serge Gainsbourg. Mais heureusement qu'ils sont là pour entretenir l'authentique anticonformisme de notre redoutable patient. D'ailleurs, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, et qui a bien connu Serge Gainsbourg, tu vas voir, t'offre ce petit présent. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est la tradition. Les malades ont la parole! Ouais, mon Serge, on se connaît bien tous les deux. Souviens-toi, en Jamaïque, ta mère, à Kingston, on était les Roiston. Notre icône, c'était les cônes. À l'école, on sait que 1 plus 1, ça fait 2, mais là-bas, on apprend que juin plus juin, ça fait de la beuh. Rappelle-toi, Serge, on traînait dans les bars avec Robbie et Dunbar. On nous appelait les tracteurs, on faisait tough, tough, tough sur tough, méga tough. Ouais, c'est pas des plans à la noix, non, des vrais tripes à la mode pécan. Ouais, de la vraie défonce d'éléphant. Je rapportais les bandes enregistrées. Écoute bien, Serge, mon frère, tends bien l'oreille. Tire pas trop dessus quand même, tu vas te la coincer dans la porte. Allez, en route pour la rastatouille. Je suis trop con. J'ai des locataires, j'ai des chambres à la journée, petit déjeuner, café au lait, service compris et taxe en sus. J'ai des puces. C'est pas un choubang ton truc? Si, le choubang de la liberté. Allume le shit, fume le shit et passe à ton voisin. Tu la sens là? Ouais, ça va, je commence à être bien raide. Passe-moi encore là. Oh. Eh, c'est quoi toute cette fumée là-dedans? Vous avez le feu au trou de balle? Oh, ça c'est de la ganja. Celle-là, je l'ai baptisée Ivory. C'est de la putain de ganja. C'est de l'Ivory, mon pote. Je peux te dire que ça t'explose la tronche, grave. Vous voulez pas nous emmener, les gars? On aimerait faire la teuf. À 11h, on compte sur vous, les filles. Ramenez vos fesses et vos nichons et tout ce qui remue. Tout ce que tu veux du moment que c'est bien gaulé. Tout ce qui a de la fouffe et du boum boum dans le secteur. Allez, on fait faire. Soirée déguisée, ganja, musicos, album, boum boum. Ok les filles? Ouais, il y aura tout ce qu'il faut. On va se la donner. Pure pelouse, méga touze. Quand Marilou danse. J'ai le bombastique qui a des problèmes de démarrage. Quoi? J'ai mis la fusée sur la rampe de lancement, mais elle refuse de décoller. Tu crois que ta meuf va me remettre le colonel au garde à vous? Ma petite quéquette, porte un braguette. Puis si je pète, en montant chéquette. En réalité, c'est la marque de Bouddha. Et tu dis quoi pour la coupe? T'es le fils d'une serpillière? La fille, elle voudra nettoyer le sol avec tes cheveux. Dans la moiteur torride de sa croupe de rein, on pouvait voir éclore des renoncules derrière. Par devant un conifère, rappelé d'un air jamaïcain. Et est-ce que je peux savoir ce que c'est que cette odeur? Oh, c'est mon parfum, cannabis pour homme. À la brigade de stup, je suis tombé sur des cops. Ils ont cherché mon spliff. Ils ont trouvé mon parfum. Encore en train de jouer à touche pipi au lieu de travailler? Maman! Tu t'es lavé les fesses aujourd'hui! Ah, ah, non, maman! Arrête! Je ne ferai plus, maman! Dop and Dub! Un voyage à Kingston, Jamaïque, en compagnie de notre immortelle passion du jour, cette vieille canaille de Serge Gainsbourg. Mais il est complètement fou, ce mec! Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Durant cette séance, le ministère psychique a constaté à quel point M. Serge Gainsbourg demeure aujourd'hui encore une menace pour notre société, ne serait-ce que par la hauteur à laquelle il a placé la barre de la variété. Parce que depuis, c'est le désespoir pour toutes celles qui sont arrivées trop tard et qui n'ont pas eu la chance de l'avoir comme auteur. Par exemple, QTT Céline Dion entre les pattes de Gainsbourg. Eh bien, une chanteuse avec René, elle aboie au micro, alors qu'avec Serge, elle japonais. Alligato pour la moto, puisque le ministère psychique décide bien évidemment de laisser libre Serge Gainsbourg pour continuer à bagnoder dans notre quotidien à grands coups de refrain. Alors bien sûr... Allez hop, dehors Gainsbourg. Et à bientôt, vieille canaille. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 11e consultation du ministère psychique consacrée ce matin au génial Serge Gainsbourg. Notez au passage, chers amis, que jeudi prochain, le 20 novembre, France Inter consacrera une journée spéciale à notre incorrigible patient de ce matin. Et si vous passez à Paris, une très belle expo lui est consacrée à la Cité de la Musique dans le 19e arrondissement. Voilà, Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique d'Éric Morin, merci beaucoup, c'était parfait monsieur Morin. Mais aussi merci beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayeur pour ses idées complémentaires et Julien Dugast pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin que la semaine prochaine, le ministère psychique reçoit les bustes de Laetitia Casta pour une émission consacrée à Marianne. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?